بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc maintenant le deuxième cours. C'est le cours 95 aujourd'hui dans le livre de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, Aqidatu Ahl al-Sunnati wal-Jama'a. On est dans le dernier pilier parmi les piliers de la foi, al-Imanu bil-Qadar, la foi en la prédestination. Et ici le Cheikh, il explique, on a expliqué les degrés de la foi en la prédestination, et là il est en train d'expliquer certains détails qui ont rapport avec la prédestination et la liberté, dans le sens du libre arbitre, hein, et la réfutation de ceux qui ont dévié en ce qui concerne la prédestination, dans le sens des gens qui ont dévié dans le fait qu'ils ont soit renié la prédestination, ils refusent d'accepter que Allah a prédestiné tout ce qui se produit, ou bien ils exagèrent dans l'affirmation de la liberté des serviteurs en disant que finalement, il n'y a rien qui est prédestiné, chaque être humain, il fait ce qu'il veut. Donc ça, c'est les Qadariyas, et eux, ils nient la prédestination. Et il y a ceux qui vont dans l'autre extrême et qui affirment la prédestination, mais au point, à un point extrême où ils vont même enlever aux serviteurs le choix qu'ils ont et la liberté et la capacité de faire les œuvres. Donc ils disent l'être humain, il est comme forcé de faire ce qu'il fait. Et il n'a pas de liberté d'action. Donc ça, c'est l'autre extrême, et c'est les Jabriyas, la secte des Jabriyas. Tandis que la position qui est la position d'Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, c'est d'affirmer la prédestination et en même temps d'affirmer que le serviteur, il a une liberté et un choix, de faire qu'est-ce qu'il fait. Maintenant, le cheikh, il mentionne un point ici, il dit مسألة إذا قال قائل تكرر ذهاب شخص إلى الطبيب ولم يجده فما كيفية الاستسلام للقدر؟ الجواب أنه إذا وقع ما تكرهه قل قدر الله وما شاء فعل. وفي الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وكلمة لا تعجز هذه سد للباب الذي ذكر وهو يعني تكرر إلى الطبيب ولم يجده فلا تعجز ما دام في الأمر حيلة ففعل وإن أصابك شيء يعني بعد فعل الأسباب فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فالأمور الواقعة تارة تكون بمحاولتك وأنت بمحاولتك أنت وتعجز عنها وتارة تكون من الله مباشرة كالمرض والحادث وما أشبه ذلك فكلها يجب عليك أن تستسلم لا الشيء الذي فعلت أسبابه ولم تنجح ولا الشيء الذي ليس لك فيه قدرة ولا حيلة وقع عليك. Donc ici le cheikh, il mentionne une question de la part de quelqu'un, lorsque quelqu'un a posé la question ou lorsque quelqu'un demande, si par exemple moi je vais plusieurs fois chez le médecin et que je ne le trouve pas. Je vais à plusieurs reprises chez le médecin parce que j'ai quelque chose, je vais lui demander un médicament ou quoi, et je ne le trouve pas. Alors, dans cette situation-là, comment je dois me soumettre à la prédestination? Comment je dois me soumettre à ce qui a été prédestiné? Et le cheikh, il répond par rapport à cette question-là en disant, si quelque chose que tu n'aimes pas se produit, dis قدر الله وما شاء فعل. C'est-à-dire, Allah, c'est lui qui a prédestiné et il a fait ce qu'il voulait. Hein, il a fait ce qu'il a voulu. Donc, il se base sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, le croyant qui est fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant qui est faible. Mais dans tous les deux, il y a du bien. Et il dit, fais des efforts par rapport à ce qui est, pour obtenir ce qui est bénéfique pour toi. Fais des efforts pour obtenir ce qui est bénéfique pour toi et demande à Allah de t'aider et ne te décourage pas. La ta'jaz. Et il dit, quand ici le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit la ta'jaz, c'est-à-dire ne te décourage pas ou ne te laisse pas décourager, c'est dans le but justement de fermer la porte, hein, vis-à-vis de la personne quand elle dit par exemple, je suis allé plusieurs fois chez le docteur et je ne l'ai pas trouvé. Donc tu vas pas te décourager, hein. Tant qu'il y a une possibilité pour toi de faire quelque chose, fais les efforts, fais les causes, hein. Et il dit, et si quelque chose t'arrive, un malheur te touche, après que tu aies fait les causes, tu vois que ce que tu voulais, tu ne l'as pas obtenu. Ou il arrive quelque chose qui t'empêche de l'obtenir. Ne dis pas, si j'aurais fait telle chose, il y aurait eu telle chose. Ou si j'aurais pas fait telle chose, il n'y aurait pas eu telle chose. Non. Mais il dit plutôt, dis, Qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Hein? Allah a prédestiné. Et il a fait ce qu'il a voulu. Donc c'est Allah qui a prédestiné que le docteur, il n'allait pas être là. Hein? Donc, peu importe qu'est-ce que tu allais faire. Hein, tu dis, ah, j'aurais dû partir plus tôt, j'aurais dû sortir comme ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Yani, tu ne peux pas changer qu'est-ce qui est prédestiné par Allah. Ce qui est arrivé, c'est arrivé. Qaddar Allah, ma sha'a fa'al. Maintenant, il dit, les choses qui se produisent, parfois c'est parce que toi, tu as fait l'effort, mais tu dois pas te décourager si tu n'as pas réussi. Parce que des fois, yani, si c'est quelque chose qui arrive par rapport à des situations, des événements. Si c'est quelque chose que Allah a prédestiné après que toi tu aies fait les efforts, ça c'est quelque chose que Allah a prédestiné après que tu aies fait les causes et les efforts, mais que ça dépend pas de toi et que c'est pas quelque chose qui t'arrive à toi directement, comme par exemple l'absence du médecin dans son bureau, il n'est pas là. Donc c'est pas toi qui a été la cause dans ça. Et c'est pas quelque chose qui est arrivé à toi directement vis-à-vis du médecin ici. Mais si par exemple, Allah, il fait en sorte que quelque chose te touche directement, hein, par exemple, là, par exemple, si tu dis que tu es tombé malade, c'est Allah qui a prédestiné que tu sois malade. Ou si tu as eu un accident, c'est Allah qui a prédestiné que tu aies un accident. Donc ça, tu es obligé de te soumettre à ça, hein, d'accepter cela. Parce qu'il n'y a aucune cause de toi-même qui est reliée à la situation. Tu n'as rien fait directement pour ça. C'est quelque chose que Allah a prédestiné pour toi directement. Donc, il n'y a rien que y a rien que tu peux faire pour. Disons, il n'y a rien que tu as fait pour que cette chose-là se produise. C'est Allah qui a prédestiné cette chose-là pour toi. Et il dit, si c'est quelque chose, par contre, que tu es capable d'avoir un effet dedans, dans le sens que tu as un choix dedans, et que tu es capable de faire quelque chose pour remédier à ce que la chose fonctionne ou non, eh bien, dans ce cas-là, tu dois continuer à essayer pour faire en sorte d'obtenir ce que tu veux. Si, par exemple, tu retournes deux, trois fois chez le docteur, tu dis il n'est pas là, alors qu'il était supposé d'être là. Donc, qu'est-ce que tu peux faire dans ce cas-là la prochaine fois? Tu peux téléphoner. Hein? Tu vas prendre le téléphone, tu vas appeler, tu vas peut-être demander par exemple à la secrétaire, est-ce que le médecin il est là? S'il n'est pas là, quand est-ce qu'il va être là? Est-ce que je peux prendre un rendez-vous? Est-ce que vous savez quand il va revenir? Et ainsi de suite. Tu vois? Ou bien s'il n'a pas de téléphone, par exemple, il est dans un endroit où il n'y a pas de téléphone et toi, tu dois aller le voir. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas y aller plusieurs fois encore jusqu'à ce que tu le trouves parce que tu n'as pas d'autre choix. Ou si tu sais où il habite ou quelque chose comme ça, tu peux essayer d'aller voir, par exemple, chez lui, si c'est quelqu'un qui est dans une petite ville là, puis que tout le monde se connaît. Bon, tu es allé à son bureau, il n'était pas là. Tu vas frapper chez lui. Tu dis, écoutez, monsieur, j'ai besoin de voir le docteur. Je suis venu plusieurs fois à votre bureau, vous n'êtes pas là. Hein? Puis là, peut-être qu'en allant chez lui, ils vont te dire, non, finalement, il était parti en vacances ou il était lui-même malade ou quelque chose comme ça. Donc, tu fais les causes, tu continues à faire les causes. Parce que ça, c'est quelque chose qui est, disons, c'est pas quelque chose qui est relié à toi directement. Et ce n'est pas quelque chose que Allah t'a prédestiné directement dans le sens à toi-même. C'est quelque chose qui a rapport avec quelqu'un d'autre. Donc ici, tu continues à faire les causes nécessaires. Si c'est quelque chose qui a rapport avec une maladie ou avec quelque chose d'autre, et que tu es capable de faire quelque chose pour essayer de le corriger ou de l'arranger, alors dans ce cas-là, oui, tu continues toujours à faire les causes nécessaires. Sauf que tu dois accepter que cette chose-là vient d'Allah. Et tu dois dire, hein, qaddar Allah, ma sha fa'al. Tu ne vas pas t'objecter ou rejeter le fait que cette chose-là soit arrivée ou te plaindre de ça. Comme par exemple, si tu retournes chez le médecin à chaque fois qu'il n'est pas là, tu dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Pourquoi le médecin, il n'est pas là? Ça, c'est pas juste. J'ai fait tout ce chemin, je suis arrivé ici, puis là, j'arrive, il n'est pas là. Comment ça se fait? Donc là, ça veut dire en réalité que là, c'est comme si tu es en train de te plaindre d'une manière qui est d'aucun bienfait et d'aucun bénéfice pour toi. Et peut-être même qu'en te plaignant de cette manière-là, tu accumules des péchés, ou même peut-être que tu vas commencer à tomber dans quelque chose de plus grave, parce que tu vas commencer à remettre, à émettre des objections vis-à-vis de ce que Allah a prédestiné. Hein? C'est Allah qui a écrit que il n'allait pas être là. Et c'est ça ce qui est arrivé. Donc accepte ce que Allah a prédestiné pour toi, parce que peut-être que c'est quelque chose qui est mieux pour toi que il ne soit pas là à ce moment-là que le fait qu'il soit là. D'accord? Peut-être que s'il était là, il allait t'arriver quelque chose. Peut-être que s'il était là, il te serait arrivé quelque chose qui était mauvais pour toi. Hein? Naam. Ensuite, le cheikh, il dit, Walakinnana. Hein? Walakinnana. Ma'a dhalika nu'minu bi anna Allah ta'ala ja'ala lil 'abdi ikhtiyaran wa qudratan bihima yakunu al fi'l. Wa ad-dalil 'ala anna فعل العبد باختياره وقدرته أمور. الأول قوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا با بروبليم يا با بروبليم إن شاء الله. وقوله ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة. يعني فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته. Donc il dit le cheikh, mais nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala a donné au serviteur un choix et une capacité, une force, hein, pour être capable de faire l'action. Et il explique qu'il y a des preuves à ce sujet-là dans le Coran et dans la Sunna, et il mentionne parmi les preuves la première, le verset 223 dans Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'tu harthakum anna'shi'tum, c'est-à-dire approchez votre champ comme vous voulez. Hein, dans le verset, dans Surat al-Baqarah, vos femmes sont un champ pour vous, hein, alors approchez votre champ comme bon vous semble. Hein. Et le verset, l'autre verset que le cheikh a mentionné pour supporter ce point-là, c'est le verset 46 dans Surat al-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit walau aradu al-khuruj la'addu lahu 'udda, c'est-à-dire que s'ils auraient voulu partir, hein, pour le combat, ils s'y seraient préparés, hein, ils auraient fait des préparations pour ça. Donc ici, ça c'est la preuve que le serviteur, il a une volonté, hein, il a un choix, puisque Allah il dit fa'tu harthakum annashi'tum, hein, de la façon que vous voulez, comme bon vous semble. Ça veut dire que vous avez un choix, hein, une volonté. Et l'autre verset, لَوْ أَرَادُ الْخُرُوجُ لَأَعْدُ لَهُ عُدَّةً, ça c'est la preuve que le serviteur, hein, il peut choisir, il peut décider. Hein, il a une décision, il a un choix. Il a une capacité. Et Cheikh Ibn Uthaymin, il fait des commentaires par rapport à ça. Il dit قَوْلُهُ ولكننا مع ذلك نؤمن أي مع إيماننا بهذه المراتب الأربع نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يعني الباء للسببية بهما يكون للفعل أو يكون الفعل يعني فلولا اختيار العبد للشيء ما حصل الفعل ولولا قدرته ما حصل الفعل. أرأيت لو أنك تريد أن تكتب رسالة فإنه لا يمكن أن تكتبها بلا إرادة. ولو كنت لا تستطيع الكتابة إما لجهلك بها أو عجزك عنها فإنه لا يمكن أن تكتبها أيضا. إذن فعل كل إنسان مقرون بإرادة وقدرة، فلولا الإرادة لم يفعل ولولا القدرة لم يقع منه الفعل. Donc le cheikh il dit, quand on dit dans le texte que malgré cela nous croyons, c'est-à-dire malgré notre foi en les quatre degrés de la prédestination, al-ilm wal-kitaba wal-mashi'a wal-khalq, c'est-à-dire la science d'Allah, le fait qu'il a tout écrit, sa volonté qui est suprême, et le fait que c'est lui qui a tout créé. Malgré qu'on croit en ces quatre degrés-là, eh bien, nous croyons également que Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux serviteurs un choix et une capacité. Et il explique ici que c'est ainsi que le serviteur il est capable de choisir ce qu'il veut faire, parce que s'il n'avait pas de choix, il ne pourrait pas faire quoi que ce soit, il n'aurait pas été capable d'agir s'il n'avait pas de volonté. Et donc, il dit par exemple, supposons que tu veux écrire une lettre. Donc, si tu n'as pas eu l'intention de l'écrire, tu ne vas pas l'écrire. Et en même temps, il dit, et si tu veux l'écrire mais que tu ne sais pas écrire, soit parce que tu es ignorant ou parce que tu es incapable d'écrire, eh bien, dans ce cas-là, tu ne pourras pas l'écrire. Donc, c'est la preuve que toute personne, tout être humain, s'il veut faire quelque chose, il a besoin d'avoir la volonté et la capacité. Et que s'il n'a pas la volonté, il ne va pas le faire. Et s'il n'a pas la capacité, il ne va pas le faire non plus. Et même que ça fait partie même des règles dans la religion, d'avoir l'intention dans toutes nos adorations. L'intention est toujours une condition. Et aussi, d'avoir la capacité, ça aussi c'est une condition pour que la chose soit obligatoire même. Si quelque chose, tu es incapable de le faire, selon les principes de la charia, ce n'est même pas considéré comme étant obligatoire dans ce cas-là. Toute chose dans la religion, si tu es incapable de le faire, ce n'est plus obligatoire, même si à la base c'était obligatoire. Donc supposons que par exemple, tu ne peux pas prier debout. Tu n'es pas capable de prier debout. Alors que ça, c'est une condition dans la salat. Mais que tu es incapable parce que tu as mal à une jambe ou des choses comme ça. Donc, dans ce cas-là, tu n'as plus l'obligation de prier debout. Tu peux prier assis. Si tu ne peux pas prier assis, tu peux prier couché. Si, par exemple, tu ne peux pas jeûner parce que tu es malade ou bien parce que tu as un empêchement par rapport au voyage ou des choses comme ça, alors dans ce cas-là, tu as le droit de ne pas jeûner. Même que des fois, tu es obligé de ne pas jeûner. Sinon, tu risques d'être encore plus mal. Et ainsi de suite. Quelqu'un, par exemple, il ne peut pas faire le wudu parce qu'il n'a pas d'eau. Dans ce cas-là, l'eau, c'est plus obligatoire pour lui. Il peut faire le tayammum. Ou bien, s'il touche à l'eau, il risque de tomber malade. Donc, dans ce cas-là, il ne va pas faire le tayammum. Donc, ça, c'est des exemples par rapport à la capacité aussi. Et ensuite, le cheikh, il dit, par rapport aux preuves que le cheikh a mentionnées, le premier verset qu'il a cité, il dit, « Fa'tu qawluhu ta'ala fa'tu harthakum anna shi'tum qawluhu u'tu yani fi'lun. U'tu fi'lun. Fi'l amr. U'tu. Ça, c'est un verbe impératif. I'ti. Utu, c'est le pluriel. Iti, c'est le singulier. Si tu dis à une personne, Itini bi kada, amène-moi telle ou telle chose. Iti, yani, approche ou va, et ainsi de suite. Shi'tum, c'est également un verbe. Et il s'agit ici de al-mashi'a, sha'a, yashi'u, et yani, shi'tum. C'est-à-dire Qu'est-ce que vous voulez? Approchez vos femmes comme vous voulez. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est la preuve que le serviteur, il a une volonté. Le cheikh, il dit, Otu fi'l wa shi'tum, yani iradatu, iradatun wa mashi'a. Fa'athbata lil 'abdi fi'lan wa mashi'atan. Wal ma'na, Otu an-nisa fi qubul fi qubu fi qubulihinna, ay min jihati, yani min ayyi jihatin shi'tum. Otu an-nisa fi qubulihinna. Min ayyi jihatin shi'tum. Donc le cheikh il dit ce verset-là, ça prouve que le serviteur il a une volonté. Puisque Allah il dit approchez vos femmes comme vous voulez. C'est-à-dire du moment que vous avez des rapports avec elles par la partie génitale, alors peu importe la position que vous faites, vos rapports intimes ensemble, eh bien, vous pouvez choisir la position qui vous plaît du moment que vous le faites par l'endroit qui est licite en islam. C'est ça que ça veut dire. L'endroit qui est licite en islam, qui fait référence à qu'est-ce qu'il mentionne dans le verset, puisqu'il dit, vos femmes sont un champ pour vous. Et le cultivateur ou le fermier, quand il sème ses graines dans la terre pour faire pousser des légumes, il sème les graines dans la terre où il sait que ça peut pousser. Donc l'être humain, s'il veut avoir des enfants, il va mettre sa semence dans l'endroit où il sait qu'il est capable d'avoir une progéniture, un enfant. Il ne va pas mettre ses semences dans un endroit où il sait qu'il ne peut pas avoir d'enfants. Donc ça vient en même temps clarifier que du moment que l'endroit par lequel un homme il a les rapports avec sa femme, c'est dans l'endroit par lequel il est capable d'avoir des enfants, et que son champ va pouvoir produire hein, des fruits hein, de son labour, alors dans ce cas-là, ça veut dire que c'est licite pour lui, peu importe la position qu'il décide d'adopter pour avoir cette relation-là avec sa femme. Et ça affirme en même temps que le serviteur, il a une volonté. Hein? Et il dit ensuite, à propos de l'autre verset qui est mentionné, Walau il dit, Fa'indana iradatun wa i'dadun. Fal-iradatu hiya al-mashi'a, wal-i'dad huwa al-fi'l. Donc ici dans le verset, ça dit, s'ils auraient voulu al-khuruj. Al-khuruj, ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait de sortir, de partir en expédition avec le messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour aller hein, au combat. Il dit, s'ils auraient voulu partir pour l'expédition, ils se seraient préparés pour cela. Ils auraient fait des préparations pour y aller. Et donc, c'est ça le terme la'a'addu, c'est-à-dire, ils auraient fait al-i'dad. Al-i'dad, ça veut dire se préparer, rassembler les choses que tu as besoin pour hein, partir. Donc ici, ça c'est la preuve de la volonté et en même temps de la préparation qui est une action. Hein? C'est-à-dire la capacité aussi. Et le cheikh, il dit, وَالثَّانِي تَوْجِيهُ الْأَمْرِ وَالنَّهِي إِلَى الْعَبْدِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Donc ici le cheikh il dit comme deuxième point que le fait que Allah ordonne au serviteur ou interdit au serviteur quelque chose, hein, si l'être humain n'avait pas de volonté, n'avait pas de choix ou de capacité, eh bien, ça voudrait dire que Allah, il ordonne aux serviteurs de faire quelque chose qu'ils sont incapables de faire ou qu'ils n'ont aucune capacité. Et ça, c'est absurde. Et c'est quelque chose qui est interdit ou impossible par rapport à la sagesse. C'est-à-dire que si quelqu'un est sage, il ne va pas ordonner à quelqu'un de faire quelque chose alors qu'il sait déjà que cette personne est incapable de le faire. Hein? Donc, si je te dis, par exemple, soulève une voiture, c'est ridicule pour moi de te demander de soulever la voiture alors que je sais déjà à l'avance que tu seras incapable de le faire. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas demander au serviteur ou aux créatures de faire quelque chose il sait, s'il sait déjà que l'être humain il sera incapable de le faire. C'est contraire à la sagesse. Donc, si l'être humain n'avait pas de volonté, il n'avait pas de capacité, et que malgré tout, il leur a ordonné de faire des choses ou de s'abstenir de certaines choses, et que c'était quelque chose d'impossible pour eux, eh bien, ce serait contraire à la sagesse dans ce cas-là. Hein? Et le cheikh, il dit, et ce serait également contraire à sa miséricorde, hein, et à son à l'information véridique qu'il a mentionnée dans le verset lorsqu'il dit La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne va pas charger une âme de faire quelque chose, excepté si c'est selon sa qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Illa wus'aha, ça veut dire qu'elle est capable de le faire. Hein? Elle a la capacité de le faire. C'est pas quelque chose qui sort des limites de sa capacité. Donc ici le cheikh il dit wal ayat hadhihi fi hadhihi kathira wal aql wal hiss yuwafiqu dhalika fa kullu an-nas ya'rifuna anna af'alahum bi iradatihim wa qudratihim. Donc il dit les versets qui parlent de ce genre de choses sont très nombreux dans le Coran et la raison est yani le bon sens. Et les sens nous montrent que c'est quelque chose qui est réel. Et tout le monde sait que leurs actions sont faites par leur volonté et leur capacité. Ensuite, il dit wa qawluhu yani al-thani tawjihu al-amr wa an-nahy ila al-'abd. Fa mathalan qawluhu ta'ala wa aqimu as-salah. Qawluhu ta'ala wa la taqrabu az-zina. Muwajjahun lil-'abd. ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق فلو وجه الأمر إلى من لا إرادة له لكان هذا تكليفا بما لا يطاق ولو وجه الأمر إلى من يعجز عنه لكان أيضا تكليفا بما لا يطاق. Donc il dit par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, par exemple, établissez la salat. Ou il dit, n'approchez pas le zina. Et ça, c'est adressé à qui? Au serviteur. Si le serviteur, il avait aucun choix, aucune volonté, ou aucune capacité de faire quoi que ce soit, eh bien, ça serait de lui imposer ou de lui ordonner quelque chose qu'il n'est pas capable de faire. Hein? Si, par exemple, le serviteur, il n'avait pas une volonté, il ne pourrait pas se contrôler. Ça veut dire que si il n'avait pas de volonté et qu'il voulait, par exemple, si Allah lui dit fais la salat et qu'il n'a pas de volonté, comment il va pouvoir choisir de faire la salat alors qu'il n'a pas de volonté ou qu'il n'a pas de choix? Comment il va faire pour s'empêcher de faire le zina comme un animal qui est dans sa période de reproduction, par exemple, et qu'il voit une femelle? Il n'est pas capable de dire oh non. Je vais pas le faire parce que mon maître il veut pas. Hein? Un chien par exemple, il est dans la rue, il voit une femelle. Si c'est la période de reproduction ou d'accouplement, il voit la femelle, il va vouloir courir vers cette femelle, même si son maître il veut pas, il va le faire quand même. L'être humain il est pas comme ça. Hein? Il a une volonté, il a une capacité. Donc il est capable de dire non, mon créateur il veut pas. Donc, je m'abstiens. Hein? Et Allah, il sait que l'être humain, il a cette capacité-là et qu'il a cette volonté-là. Donc, il est capable de s'abstenir. Donc, c'est pour ça que Allah lui a ordonné ça ou lui a interdit ça. Et il dit ensuite, Naam, donc, le fait d'avoir imposé ou interdit quelque chose, si le serviteur n'avait pas de volonté, n'avait pas de capacité, et que Allah lui aurait malgré tout ordonné de faire certaines choses ou de s'abstenir de certaines choses, alors qu'il n'a pas de volonté, il n'a pas de capacité, ça aurait été quelque chose d'inutile, hein, contraire à la sagesse. Il dit ensuite, وَلِهَذَا يَقُولُ وَهُوَ أَمْرٌ تَعْبَهُ حِكْمَةُ اللَّهِ ورحمته وخبره الصادق في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الله أحكم من أن يأمر العبد بما لا يمكن أن يفعله إذن أو إذ، إن أمر العبد بما لا يمكن أن يفعله يعتبر سفها. فمثلا لو وجهت إلى امرأة عجوز ضعيفة البدن أن تحمل الصندوق التجوري، صندوق الدراهم الثقيل، لعد هذا سفها. فلولا أن الإنسان يعمل باختياره وإرادته لكان توجيه الأمر إليه سفها، تأباه الحكمة وتأباه الرحمة أيضا، لأن الله أرحم بعبده أن يكلفهم بما لا يطيق، ويأباه أيضا خبره الصادق أي خبر الله في قوله تعالى ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فانتبه لهذا الوجه، فإنه وجه جيد جدا ونرد به على الجبرية. Donc il dit le cheikh que si tu regardes comment Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné le fait que il ne charge pas une âme plus que qu'est-ce qu'elle est capable de porter, et donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait ordonné à ses serviteurs ou interdit à ses serviteurs, s'il leur ordonnait quelque chose qu'ils ne sont pas capables de faire ou leur interdisait quelque chose qu'ils n'ont pas la capacité de faire aussi, ce serait contraire à sa sagesse et à sa miséricorde. Hein? Et contraire à ce que Allah dit dans le verset. Il dit, par exemple, regarde un être humain, si quelqu'un, par exemple, il dit à une vieille dame qui est très, très vieille, qui est faible, de porter une boîte qui est extrêmement lourde, hein, avec beaucoup de choses lourdes dedans ou de l'argent, elle ne sera pas capable. Et ce serait considéré comme quelque chose de stupide, en fait, de demander à une femme de faire ça. Hein? Donc, celui qui a ordonné ça, on va lui dire, ah, lui, il réfléchit pas, il n'est pas sage. Et en même temps, on dirait de cette personne, elle n'a aucune miséricorde. Elle n'a aucune miséricorde, cette personne, parce qu'elle impose à cette dame qui est vieille, qui est faible, qui est fatiguée, de porter quelque chose d'extrêmement lourd. Hein, il n'a aucune miséricorde, ça veut dire. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il est plus miséricordieux que ça. Donc, il ne va pas ordonner aux êtres humains quelque chose alors qu'il sait qu'ils ne sont pas capables de le faire. Et de plus qu'il dit lui-même dans plusieurs versets dans le Coran qu'il ne met pas une charge sur une âme qui est trop lourde pour elle ou que l'âme ne peut pas porter. Donc ça, c'est un point très important et très bénéfique pour réfuter les Jabriya, hein, pour réfuter la secte des Jabriya. Un autre point que le cheikh a mentionné pour réfuter ces gens-là, c'est مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته وإثابة كل منهما بما يستحق ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وعقوبة المسيء ظلما والله تعالى منزه عن العبث والظلم. Donc le cheikh il dit, si tu regardes aussi par exemple le fait que, hein, le troisième argument que tu peux mentionner, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il glorifie celui qui fait le bien pour le bien qu'il a fait, et il blâme également celui qui a fait le mal pour le mal qu'il a fait. Et il récompense chacun selon ce qu'il mérite. Donc il dit, sinon, si c'était pas que le serviteur a un choix de décider ce qu'il fait, hein, il n'y aurait aucun sens ici de glorifier celui qui a fait le bien. Hein, ce serait inutile, parce que ce n'est pas lui qui l'a choisi. Et il n'y aurait pas aussi de sens de punir celui qui a fait le mal, puisque hein, il ne l'aurait pas fait de son plein gré, ça aurait été donc de l'injustice de le punir. Hein, parce qu'il a été forcé de le faire. Ça lui a été imposé. Donc dans ce cas-là, pourquoi il serait puni si ce n'est pas lui qui l'a choisi ? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est purifié de ces deux choses-là. Il est purifié de faire quelque chose sans raison, hein, ou quelque chose sans sagesse. et il est purifié également de faire quelque chose qui est injuste. Hein? Et le cheikh, il mentionne à ce sujet des clarifications. Il dit « وَهَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ فِعْلَ الْعَبْدِ بِإِرَادَتِهِ وَاخْتِيَارِهِ وَلَوْ كَانَ بِغَيْرِ إِرَادَةٍ وَلَا اخْتِيَارٍ فَهَلْ يَتَوَجَّهُ أَنْ نَلُومَ الْمُسِيءِ وَنُثْبِتْ أَوْ نُثْنِي عَلَى الْمُحْسِنِ الجواب لا فإذا كان فعل العبد بغير إرادة ولا اختيار بل ولا قدرة فلا فرق بين المسيء بين المحسن والمسيء ولا يمكن أن يتوجه المدح والثناء إلى المحسن والذم والقدح إلى المسيء لأن كل منهما يفعل بدون اختيار وبدون قدرة مع أن القرآن والسنة مملوءان بالثناء والمدح للمحسنين والذم والقدح للمسيئين. Donc ici le cheikh il réitère cette objection de la part de ceux qui renient la volonté et la capacité des serviteurs parmi les Jabriya en disant que yani, le fait que Allah glorifie ceux qui font le bien et blâme ceux qui font le mal, c'est la preuve que ce qu'ils font, c'est de leur propre gré. Sinon, ça n'aurait pas été juste, hein, ni sage de yani, leur faire un blâme ou de leur faire une éloge. Hein, et il donne des exemples de ça. Il dit que si c'était le cas que les serviteurs n'avaient aucune volonté et aucune capacité, eh bien, glorifier celui qui fait le bien et blâmer celui qui fait le mal, ça aurait été inutile. Parce que le bien et le mal, celui qui fait le bien et celui qui fait le mal dans ce cas-là auraient été égaux. Hein? Et il dit, parce que dans les deux cas, ils n'ont pas agi selon leur choix. Et ils n'ont pas agi selon leur capacité. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a rempli le Coran et la Sunna également est remplie de glorification pour ceux qui font le bien et de blâme pour ceux qui font le mal. C'est la preuve que l'être humain, il a une volonté et une capacité. Et il dit « Wa qawluhu wa lawla anna al-fi'l yaqa' bi iradati al-abd ila akhirihi wa hadha aydan fil uqubati wa thawab » فإذا قلنا إن المحسن يفعل بدون إرادة وبدون اختيار صار مدحه عبثا إذ كيف تمدحه على شيء لم يفعله باختياره وكذلك أيضا عقوبة المسيء تكون ظلما. Donc la même chose aussi pour par exemple les châtiments ou la récompense. Ça serait inutile de donner le paradis à celui qui a fait le bien, mais que ce n'était pas de lui-même, il a été forcé de le faire. Et la même chose pour celui qui punirait quelqu'un qui a fait du mal et le mettrait en enfer alors qu'il n'a pas choisi le mal. Ce serait de l'injustice. Et donc c'est ça que le cheikh il explique ici pour réfuter les Jabriya. Et c'est comme si, par exemple, on va dire, c'est comme, par exemple, quelqu'un qui a programmé un robot, supposons que c'est un robot, il l'a programmé pour faire telle ou telle chose. Si le robot, il fait quelque chose de bien, est-ce que c'est le robot qui a fait le bien ou celui qui l'a programmé? C'est celui qui l'a programmé. Et la même chose aussi, s'il fait quelque chose de mal, quelqu'un il a programmé le robot pour qu'il tue quelqu'un ou pour qu'il brise quelque chose. Est-ce que c'est le robot qui est coupable ici? Non, c'est la personne qui a fait la programmation qui a été coupable de cette action-là. Donc, ce serait comparable à ça un peu. Le fait que quelqu'un dise non, l'être humain n'a pas de volonté, n'a pas de capacité, donc il est comme un robot que quelqu'un d'autre a programmé, donc il ne peut rien choisir, il ne peut rien faire de lui-même. Et donc, ce serait ridicule de glorifier ce robot ou de le blâmer pour quoi que ce soit, puisque ce n'est pas lui qui a rien décidé. Et donc, ça, c'est une réfutation, encore une fois, de ce que ce genre de personnes ont comme idée à propos de cette chose. Et le cheikh il dit ولذلك كان الجبريه يقولون ان الله تعالى له ان يعاقب اصلح الناس واعبد الناس وليست عقوبته ظلما فاذا قلنا كيف لا يكون ظلما والله تعالى يقول ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما قالوا ولكن هذا ليس ظلما أليس الخلق كلهم عباد الله قالوا بلى أو قلنا بلى قالوا إذن له أن يفعل بعباده ما شاء فنقول نعم له أن يفعل ما شاء ولكنه قد حرم الظلم على نفسه. Donc il dit le cheikh que les Jabriya, ils disent non, Allah s'il veut, il peut châtier la plus pieuse des personnes et la personne qui est la plus adoratrice, il peut la châtier. Et ça, ce n'est pas de l'injustice. Hein? Ou bien peut-être même le contraire aussi, il peut récompenser la plus mécréante de toutes ses créatures et la mettre au plus haut degré du paradis. Hein? Et il dit ça, et eux, les Jabriya, ils disent ça, ce ne serait pas de l'injustice. Alors, le cheikh dit, dans ce cas-là, on pourrait dire, comment ça, ce ne serait pas de l'injustice, alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 112, dans Surah Taha, et quiconque fait des bonnes œuvres, et qu'il est croyant, alors il ne craindra aucune injustice, wala hadma, ni oppression, hadma. Donc ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Allah va pas lui faire de l'injustice. Mais eux, ils disent, non, mais s'il le châtie, même s'il le châtie, ce ne sera pas de l'injustice malgré tout. Hein? Parce que c'est ses créatures, et il peut faire ce qu'il veut à ses créatures. Et le cheikh, il dit, certes, il peut faire ce qu'il veut à ses créatures, sauf que, il les châtie, ce serait de l'injustice, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est interdit l'injustice à lui-même. Il a dit « Inni harramtu dhulma ala nafsi ». Donc, dans ce cas-là, hein, il ne peut pas faire de l'injustice à ses serviteurs, hein, même s'il fait ce qu'il veut. Hein, ça, c'est important de comprendre. Et ça réfute ces gens-là, les Jabriya, par rapport à cette question. Le cheikh, il a mentionné encore d'autres points. Il y a le point numéro 4 et le point numéro 5. Mais je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Puis on continuera la suite au prochain cours bi-ibnillah. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.